Un samedi soir, 9h15, Annick se dépêche, comme d'habitude, elle est en retard. La soirée s'annonce mal, Cassan n'aime pas attendre. Une autre cigarette et à terre tombe la cendre. Amis de longue date ont surmonté beaucoup d'épreuves. Après la tempête, tout est tranquille comme le fleuve. La preuve, elle rit et prépare d'autres conquêtes. Direction le party, car il est temps de faire la fête. La tête pleine de rêves, comme des enfants, elle s'amuse. Ignorant le fait que le diable a plus d'une ruse. La place est bondée et l'ambiance est très relaxe. Les dés sont jetés et le problème s'appelle Macias. Dans le domaine des serpents, les miroirs n'ont de reflets. Pourquoi tu joues avec le feu? Là n'est pas ton intérêt. Tu ne peux prévoir ce qui est imprévisible. Le diable joue un jeu, malheureusement tu es la cible. Tu ne peux prévoir ce qui est imprévisible. Le diable joue un jeu, malheureusement tu es la cible. Les fuites de nos jours, les ports de secours sont rares. Sans quoi, sans rares, ils sont très très rares. Et tu ne peux prévoir ce qui est imprévisible. Le diable joue un jeu, malheureusement tu es la cible. Les fuites de nos jours, les ports de secours sont rares. Sans quoi, sans rares, ils sont très très rares. Yeah. L'action se poursuit, Annick roule un autre joint. Enfin, elle n'a pas fumé depuis le matin. Les vautours lui tournent autour car la proie est affaiblie. Après une bière ou deux, en un regard ils ont compris. Cassandre observe son ami, méfiante avec raison. Mathias s'approche avec de mauvaises intentions. Envoie de belles paroles et elle fond comme un glaçon. Dans le territoire aussi, là est la place des vagabonds. Il lui vole son âme, profite de son innocence. Qu'est-ce qu'un hommage ou pas, il n'accorde d'importance. L'action se précipite, elle ne comprend la situation. Le rêve devient cauchemar comme une séquestration. Mental, brutal, la médaille à trois passes. La vie est un jeu de cartes et le stratège sera un as. Un as, un as, un as. Sera un as, fils. Sera un as, fils. C'est ça. Et tu ne peux prévoir ce qui est imprévisible. Le diable joue un jeu, malheureusement tu es la cible. Méfie-toi de nos jours, les ports de secours sont rares. Sans quoi, sans rares, ils sont très très rares. Et tu ne peux prévoir ce qui est imprévisible. Le diable joue un jeu, malheureusement tu es la cible. Méfie-toi de nos jours, les ports de secours sont rares. Et ils sont quoi, sans rares, ils sont très très rares. Cette histoire n'est pas terminée, malheureusement elle commence. Trois mois ont passé, Yannick assis se pense. Sa vie a changé et des problèmes ont vu le jour. Contre la maladie du sang, il est encore de recours. Le diable se frotte les mains pour un travail bien accompli. Si seulement elle avait compris l'avertissement de Julie. Trop tard pour les remords, trop tard pour toutes ses larmes. À cet instant précis, elle regrette d'être une femme. Négligence ou faiblesse, elle fut une bonne fille. Lorsque le soleil se couche, comme l'étoile, elle brille. Le diable est un malin et se cache tel un voleur, violeur. Pourquoi devrais-je vivre et avoir peur? Et tu ne peux prévoir ce qui est imprévisible. Le diable joue un jeu, malheureusement tu es la cible. Méfie-toi de nos jours, les ports de secours sont rares. Et ils sont quoi? Sont rares, ils sont très très rares. Et tu ne peux prévoir ce qui est imprévisible. Le diable joue un jeu, malheureusement tu es la cible. Méfie-toi de nos jours, les ports de secours sont rares. Et ils sont quoi? Sont rares, ils sont très très rares. Et tu ne peux prévoir ce qui est imprévisible. Le diable joue un jeu, malheureusement tu es la cible. Méfie-toi de nos jours, les ports de secours sont rares. Et ils sont quoi? Sont rares, ils sont très très rares. Sont quoi là? Très très rares. Dis-moi c'est quoi? Très très rares. Diable joue un jeu, oh. Diable joue un jeu. Diable joue un jeu. Fais attention ta peau, fils. Très rare. Fais attention à ta peau, fils.